Madra. Mwana huyu amemi kindoki na libota na mwana huyu amemi coronavirus. Familia ya Manani. Attention Elena. La pandémie mortelle. Ça fait peur, moi qui lui ai commis déstabilisé. Qui l'aurait sur la bibé, mais commis quand t'as mis à mon pépé pour ralentir. Atmosphère, diamondé, commis pollué. La virus massacreur, y'a ma âme. Covid-19, coronavirus. Soleil, iso, mon âme, camounion, soyo. Mais ce qui est poussé ni pour un secours, au cause à la carcine n'gambé, ma camouille est cause au talango de la musica. Christus a la disso surprise avant d'être y'a venu na yo. Oui, obi qui sa disso na pandémie, oui. Cette fois-ci, au cause à la jamais crucifié, il a topé Hérode de jamais, va vivre, oui, obi saute aux eaux vivre, génération, oui. Merci. Est-ce un grand mélange dont tout soit se révélé au ciel? Y a mon bois qui n'a pas de la couille corona. Il n'y a que la terre comme planète habitable. Awa et pas qu'un bruit toko kenda wapie. Oh. La basso qui n'a paradis. Car il y a eu ce nom écouté, dans nos préférés, aux oeufs, tiens, à mon qu'il y a eu tic à bisson, à mille lolo bako. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, problème respiratoire. Ah, tu comme il coupe en banane, j'ai vu ce que j'ai à tout bako. Corona kotina Congo RDC, zombi matela no kifuidie. Corona kotina mboka ye, toso kola maboko tulto na savon pe desinfectant. Corona traverse Europa, Amerika mpe Yazi, zombi matela no kifuidi mama mbadi ye. Corona kotina mboka ye. Kosala na kuzito na papier mouchoir usage unique. Corona ekoti capital to bate na ba province. To evite mota loboko mpeto sola. Na distance à 2 mètres. Corona mawate. L'heure est grave to zala momo ya méfiance pe prudence. To se fie na ba mesure préventive ya hygiène. Manque liberté komi tonga oyo mototu. Et c'est guéri à soi, pour la guérison naïe, tout va nananda koye, confinement. Bon, moi, ko fouta izanango, kasi kisi ya ko somande nanou bazuite. Un maladie ou y panzi bisoye, na mission que esangista biso, na cimetière. Erreur y a pandémie y en a monaté. Ah. Et quoi ici ba économie y a moka bepoué. Et pe qui si ba église, ba université pe ba école. Et imposé état d'urgence. Et comme y'a même abattu les sous-souna à quarantaine. On va espérer guérison. Zambé sunga banana yo. Na mon pepe a beaucoup nouveau yoé. Benjamin Satininga papa magambo yuri ko sila kam. Mono kwe zangi maloba miso répondre ye na balarme. Ta bengi Donald Trump isone ipe ya kumi tumanga. Kwadra makambo yuri ko sila kam. Tomi bati la ye ye ye, je vous en supplie. Tomi lengi la ye ye ye na corona virus. Zemonanga ya lelo yezangi sakso mpo corona ememi manu di bango yango na komi omime parariroriroru corona ekoti na Congo RDC tomi batela noki te fuidi Corona koti na mboka ye. Toso kola maboko tout le temps la savon pays désinfectant. Corona y traverse Europe, Amérique, en pays Asie. Tomi bate la no ki fidi maman madia ye. Corona koti na mboka ye. Kosala na kusto na papier mouswa usage unique. Corona koti capitale to bate la ba province. To evite mota lo bo kompeto sola. Na distance à 2 mètres, Corona mawate.